Lettre 75e, Sulpici à Calpurnie, Ecbatane, février 303. Reçois cette lettre, ma chère Calpurnie, comme si elle était écrite des bords du Cocyte. J'ai vu de si près la mort que je puis me croire encore dans son empire, et qu'il m'ait permis de jeter un dernier regard sur la terre, dans les lieux habités par mon ami, pour lui dire encore un éternel adieu. Je jouis de cette grâce qui m'est accordée. Le flambeau pâle et languissant de ma vie se ranime un instant. J'arrivais dans ce palais, d'où je ne sortirai plus vivante, avec l'idée d'y mourir le même jour, tant ma faiblesse était extrême. Je ne tenais plus à la vie que par un souffle léger, et chaque respiration me paraissait mon dernier soupir. Cependant, les tendres soins de Tiridate, leur peau, mon ardent désir de ne pas quitter mon époux adoré, semblèrent me ranimer. Au bout de quelques jours, je fus assez bien remise pour assister, selon son désir, à la cérémonie de son couronnement. Cette cérémonie fut à peine achevée, que je retombai dans un état d'abattement et en même temps de souffrance qui m'a tenu au lit plus d'un mois, attendant d'un jour à l'autre la fin de mon être. La maladie a cédé au secours de l'art. Je ne souffre plus. Je puis me promener soutenu par Tiridate sous le portique du palais. J'ai pu même me traîner à l'entrée des superbes jardins qui l'entourent, qui commencent à se parer des richesses du printemps. Mais je n'éprouve pas sa douce influence, et le court délai qui m'a été accordé cessera bientôt. Je sens le ciseau meurtrier de la parque couper le fil de ma débile existence. Il ne restera dans peu de ton ami qu'une urne funéraire remplie de ses cendres. Pourquoi, Calpurnie, le sort implacable a-t-il prononcé au moment de ma naissance un arrêt contre l'être innocent qui n'avait pas demandé la vie et qui fut voué au malheur? Il m'a poursuivi sans relâche depuis mon enfance, et à présent qu'il m'a semblé s'adoucir, et que les difficultés dont ma vie fut hérissée ont disparu, à présent il faut mourir. Quelle destinée injuste et cruelle! L'être à qui le ciel accorda la raison et la prévoyance est le plus malheureux de tous. Le vermisseau que nous foulons aux pieds l'emporte mille fois sur nous. Il meurt sans avoir senti combien il serait doux de vivre, sans crainte sur ce qui l'attend, sans terreur de ce dernier moment, sans regret de ce qu'il laisse pour jamais. Pour jamais, ah, Calpurnie, je t'en supplie, par pitié, si ce n'est par conviction, dis-moi qu'au-delà de ce monde un instant, il y a encore quelque chose, et que notre destruction n'est pas totale. Je me suis procuré le Phédon du grand Platon. Tiridate m'en fait la lecture. Ah, tant que les paroles du sage pénètrent dans mon âme par l'organe de celui que j'aime avec passion, le doute se tut. Je l'écoutais avec délice. Mon cœur était réchauffé. Mais mon esprit restait encore dans une obscurité désespérante. Lorsque je fus seul, je pris le livre. Je cherchai à m'éclairer. Et je trouvai à peine des espérances, des probabilités, des consolations individuelles qui répondaient aux sentiments et à la situation de Socrate, mais qui ne me persuadèrent point. Socrate, âgé, fatigué de la vie, tourmenté par Xantippe, méconnu de ses concitoyens, pouvait facilement mépriser la mort. Quel attrait pouvait avoir pour lui l'existence sur cette terre? Il lui était facile de se consoler de la quitter et d'être satisfait d'un changement quelconque qui pouvait améliorer son sort. Socrate ne quittait ni la jeunesse, ni un trône, ni un époux adoré. Et toi aussi, Calpurnie, tu n'es pas heureuse, tes lettres me le disent. Tu as beau t'étourdir sur ta situation et affecter une gaieté qui n'est pas dans ton cœur. Il est dans une tourmente continuelle. Tu aimes ton ami bien plus que tu ne le crois toi-même. Et cependant, tes anciennes idées d'indépendance et d'indifférence et ta conduite inégale t'empêchent de te livrer aux sentiments qui t'entraînent. Quel espoir reste-t-il pour faire cesser ces combats et réunir vos cœurs qui s'entendent en dépit de tout ce qui paraît les séparer? Il y a toujours quelque chose qui se glisse entre vous deux et qui empêche votre rapprochement. Ni l'un ni l'autre n'a le courage de briser cette barrière et vous vous tourmentez mutuellement. Mais c'est le sort du genre humain et vous en portez la peine. L'homme ne doit pas être heureux. Il doit passer sa vie à souffrir des maux, des privations de toute espèce. Et lorsqu'enfin le sort est lassé de le poursuivre, il l'abandonne, la mort s'en empare et tout est fini. Un bûcher dévore ses sentiments, ses craintes, ses espérances. Ce sera ton sort aussi, Calpurnie. Si quelque heureux hasard t'unit irrévocablement à ton ami, n'espère rien de mieux. Tu es un enfant de la terre. cette figure noire qui sortit de la chambre d'Agathoclès en poussant un cri sinistre m'a singulièrement frappé. Il semble que c'était ton mauvais génie. Lorsque j'en fus à cet endroit de ta lettre, je frissonnais involontairement. C'est le cri de mort, me dis-je à moi-même. Les espérances, le bonheur de ma Calpurnie vont finir, ainsi que ma vie. Puissent mes tristes pressentiments ne pas se réaliser. Puisque tu veux que je te dise la vérité, je trouve ta conduite un peu hasardée, et je n'en suis pas plus contente que des manières d'Agathoclès. Tu risques tout pour un ingrat qui ne mérite pas de tels sacrifices. Ce n'est point ainsi qu'un homme, un ami, un amant, si tu veux, doit être avec une femme jeune, belle, recherchée, vertueuse et remplie de mérite, imprudente, il est vrai, mais imprudente pour lui seul. Il doit sentir le bonheur d'en être aimé, il doit en être touché, pénétré, et ne pas lui parler d'autre chose. Ce n'est surtout pas à lui d'avoir l'air de la blâmer. Mais ces hommes vains, orgueilleux, se refroidissent dès qu'ils voient trop clairement qu'une femme s'enflamme pour eux et tes démarches ne pouvaient pas lui laisser le moindre doute. Oh, Calpurnie, rappelle-toi ce que je t'écrivis à Rome. Les femmes sont nées pour aimer et souffrir. L'amour, ce moyen de bonheur si immense, qu'il semble réservé aux dieux, n'est pour elles qu'un moyen de malheur et de mort. Ma tête est fatiguée, et mes forces anéanties, quoique j'aie mis plus d'un jour à cette lettre. Adieu donc. Aussitôt que je le pourrai, je t'écrirai encore. Et comme je ne trouve pas tes lettres de nature à être montrées à un autre, je te répondrai moi-même tant que j'existerai. J'ai d'ailleurs bien des choses encore à te dire avant de garder un silence éternel.